se mwen ou vin echoyande. Pati man la rentre mon air. Oh oh. Kapiten a ken an mwen katon asi ke la. Avan mwen te voyaje olou a dan manke ekraze. Santi man ou te kresse. L'on mette bel en navigue en vogue si tout l'océan. Mais j'en dis moi me accoste. Sensation à vivre en moi. Vini, vini, vini, vini, darling. Vini plonger en bois en moi. Nous que baigner à dans la mer bonheur. Yeah.